my soul face you need to be like me, yeah. Oi, yo pa ni le shwa, an ka fiye pi lan mo. O li e gaspiye ba yo, my soul pe pou yo manje. Laissez-moi sauter, aïe, pour y'a pas petit manger. Qui m'a foutu, ça?